Salut à tous! Ce soir, on parle des colocations. Oui, ces endroits où la vaisselle n'est jamais faite, que les jeunes font pour gagner de l'argent. Hein, quoi? Ah non, j'ai mal compris. On va parler des colocations, pas des colocations. Les chauves-souris, les radars, pas la vaisselle. Ce soir, laissez-vous guider par les voix d'Eléa et d'Alexa, qui vont vous apprendre à voir dans le noir. Nous sommes le 20 mai 2020 et vous êtes sur Podcast Science. Bonsoir, donc nous sommes une petite partie de l'équipe ce soir, pas de table physique. Du coup, nous avons Cléora depuis la Normandie. Salut à tous. Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Et Léa depuis Strasbourg. Bonsoir. Pascal depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Et moi-même qui suis à Paris. Et donc, nous vous présentons donc ce soir le dossier des colocations présenté par Alexa et Eléa. Et je vous laisse la parole maintenant. Eh bien, merci Joanne. Alors, ce dossier, en fait, va être en deux parties. On va d'abord parler de l'écolocation et des animaux. Et puis après, on évoquera tout ce que, en fait, on peut apprendre de l'écolocation pour... Merci Joanne, pour tout ce qu'on peut apprendre de l'écolocation, pour les activités humaines et différentes choses. On va voir que c'est très utilisé et très intéressant aussi. Alors, avant de parler d'écolocation, j'ai une question un peu pour tout le monde. Quel sens utilisez-vous majoritairement pour vous orienter dans l'espace, nous en tant qu'humains? Qu'est-ce qu'on utilise? Ouais, la vue, effectivement, on utilise majoritairement la vue et les yeux, en fait. Mais en fait, ce n'est pas uniquement le cas pour l'homme, c'est aussi le cas de la vaste majorité des animaux. Pour s'orienter dans l'espace, pour trouver leur nourriture, trouver où dormir ou se reposer la journée ou le soir, suivant si on a des espèces nocturnes ou diurnes. Et aussi trouver les partenaires sexuels nécessaires à la reproduction. Bref, pour interagir avec l'environnement qui nous entoure, majoritairement, on utilise la vue. Néanmoins, on a d'autres sens qui nous permettent de nous orienter dans l'espace. Et certains animaux ont développé certaines adaptations qui les rendent encore plus spécifiques et adaptées à l'orientation dans l'espace. Souvent d'ailleurs, en addition à la vue, on va voir qu'on n'est pas nécessairement aveugle quand on fait de l'écolocation. Et donc, si je vous dis écolocation, ça vous fait penser à quoi? Juste en prenant le mot tel qu'il est. Il y a écho dedans déjà. Voilà, écho. Et location, trouver un endroit, quoi. Voilà, effectivement. Avec des échos. C'est exactement ça. On a écho-location, donc écho qui est qu'on connaît tous. Hein. Vous allez dans une montagne, par exemple, vous criez, l'écho vous revient. C'est ce son qui va être. On va avoir une réverbération du son contre une paroi ou quelque chose et qui va vous revenir et vous l'entendez. Et l'étymologie quand même de écho, il faut quand même de la nymphe. C'est une. Alors je le fais de mémoire, je suis pas sûr, mais c'est une nymphe qui a eu une affaire avec Zeus, le roi des dieux, et du coup comme Héra, la femme de Zeus est jalouse, elle condamne la muse à répéter le dernier mot qu'elle a utilisé. Voilà. Donc à chaque fois qu'elle parle, elle répète en permanence. Voilà. Elle répète en permanence, voilà. Et donc, du coup, effectivement, on a l'étymologie du mot écho qui correspond bien à, effectivement, le retour de la voix en permanence d'un son en permanence contre une surface, en fait. Mais c'est joli, voilà. C'est joli comme histoire. Effectivement, comme a dit Cléora aussi, location. Donc, location, localisation, ça donne l'idée de lieu. Donc, l'idée, en fait, derrière écolocation, finalement, quand on décompose un peu le mot, c'est effectivement de trouver un lieu, en tout cas d'avoir une représentation spéciale grâce à l'écho. Alors, on dit écolocation en science d'une manière générale. Le mot écolocalisation existe aussi, mais il est un peu moins employé que écolocation, même en français. Et puis, en anglais, on dit écolocation. Donc, bon, c'est vrai que je pense que ça a un peu switché là-dessus. Mais on parle aussi parfois de biosonar, puisque c'est exactement ce que c'est. Un sonar, ça fonctionne sur le même principe. On le verra en fin d'émission. On envoie un son et on écoute l'écho pour essayer de déterminer des distances. Et en fait, un certain nombre d'animaux vont utiliser l'écholocation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, non pas en remplacement de la vue, en fait, mais souvent en complément. Et ça, pour s'orienter dans l'espace, naviguer et parfois aussi chasser. Donc, c'est vraiment voilà, une notion de se localiser dans l'espace et d'interagir avec l'environnement pour ça. Mais on ne trouve pas d'écholocation. Ça a peu été décrit, par exemple, dans tout ce qui est paradumpsial, etc. C'est vraiment dans une logique de s'orienter. Alors, est-ce que vous avez une idée des animaux qui font de l'écholocation ? Bon, je pense qu'il y en a certains, c'est quand même assez connu. La chauve-souris ! La chauve-souris, oui, les chauves-souris. Est-ce que tu en connais d'autres ? Il y a les dauphins, non ? Ils font pas l'écholocation ? Ouais, les dauphins aussi. Alors, effectivement, c'est les animaux les plus emblématiques, enfin qu'on connaît le mieux, qui font de l'écholocation. Mais on va voir un peu plus tard qu'en fait, on en a d'autres. On n'a pas uniquement ceux-là. Alors, pour commencer à expliquer un peu ce que c'est que l'écholocation, je vais partir évidemment de façon totalement non biaisée par les meilleurs animaux du monde, les chauves-souris. Non, je rigole, mais c'est aussi parce que c'est chez les chauves-souris que c'est parmi les mieux caractérisés. Je vais partir de la chauve-souris parce que elle possède, enfin les chauves-souris d'ailleurs et les espèces qui font de l'écholocation, parce qu'elles n'en font pas toutes, possèdent des adaptations acoustiques très perfectionnées qui leur permet de masteriser l'écholocation en quelque sorte et de s'orienter à l'aide du son qu'ils émettent, qui sont souvent d'ailleurs des ultrasons. Mais alors pourquoi faire de l'écholocation et surtout comment est-ce qu'on en fait ? L'autre question qu'on peut se poser, c'est, on parle ici d'un pouvoir qui a l'air quand même super pour s'orienter, bien plus efficace, enfin qui rajoute vraiment quelque chose à l'orientation, et on peut aussi se demander, faut-il des organes spéciaux pour faire de l'écholocation, ou est-ce que tout le monde pourrait finalement le faire avec nos oreilles, notre voix ? On peut produire du son après tout, et on peut l'entendre. Donc pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de le faire nous aussi ? Alors, pour essayer d'y voir plus clair, concentrons-nous d'abord sur les chauves-souris et on va essayer de voir comment ça se passe. Alors, pour faire de l'écholocation, les chauves-souris utilisent leur larynx. Alors, une partie des chauves-souris, je vais revenir sur la diversité un peu plus tard, mais on va dire que l'écholocation la plus emblématique qu'on connaît chez une partie des chauves-souris est celle où elles produisent des sons par leur larynx. Donc, avec leur larynx, elles génèrent des ultrasons qui sont inaudibles par l'oreille humaine. Donc, nous, dans la recherche, quand on essaye de les enregistrer, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire, on a des appareils qui sont sensibles aux ultrasons et qui vont nous retranscrire ces ultrasons. Mais nous, tels quels, si on se met à côté de la chauve-souris, on ne pourra pas l'entendre. Elles le produisent par le larynx et ensuite, ces sons sont émis via leur bouche ou, de manière plus rare, chez certaines espèces particulièrement spécialisées, leur nez, qui peut posséder des adaptations qui sont propices à émettre certaines catégories d'ultrasons de cette façon. Et comme je l'ai dit, c'est pas le cas de toutes, parce que des chauves-souris, on en a 1211 espèces au dernier comptage. Bon, voilà, on en a énormément et elles font plein de choses différentes. Elles représentent 20% des mammifères et donc on a une diversité à ce niveau-là aussi qui est absolument extrême. Ces ultrasons, qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont émis ? Donc, comme tous les sons, ils sont envoyés dans l'espace et ils reviennent en écho vers la chauve-souris qui est capable de les recapter dans ses oreilles. Et là aussi, pour la recapture, pour les chauves-souris qui font de l'écholocation, on a une recapture qui est d'autant plus efficace que les oreilles sont grandes. Alors, dans la chatroom, on peut peut-être mettre une image, j'en mettrai une tout à l'heure, de la diversité des oreilles qu'on peut observer chez les chauves-souris. On en a qui ont des oreilles toutes petites, certaines qui ont des oreilles qui sont absolument immenses. Et en fait, en fonction de la taille des oreilles, vous allez recapter le son plus ou moins bien. Elles possèdent aussi devant les oreilles des adaptations comme le tragus, qui est un petit bout de peau devant l'oreille. Et en fait, on en a un aussi, si vous voyez, devant votre oreille, on a une espèce de petite bosse de peau là qui est devant le conduit. Et ben, chez les chauves-souris, en fait, elles ont ça, certaines, de manière extrêmement développée. Et ça aussi, ça va aider à guider le son et à récupérer le son pour l'amener dans le conduit auditif. Ces sons, donc, ils rentrent ensuite dans le conduit auditif. Ils sont transférés à l'oreille interne, la cochlée, via l'oreille moyenne. Donc, c'est exactement comme nous. Ils ont une oreille externe où le son rentre. L'oreille moyenne qui transforme le son en impulsion et qui transmet tout ça à la cochlée. Alors, la cochlée, c'est un tube qui est enroulé sur lui-même en escargot et qui est rempli de liquide, qui transmet les vibrations qui sont transmises par l'oreille moyenne. Ok, alors effectivement, c'est super la photo que tu as mise dans la chatroom parce qu'on voit bien le tragus qui est différent suivant les espèces. Donc voilà, donc on transmet les vibrations qui sont la traduction finalement des ondes sonores à l'oreille interne. Donc l'oreille interne, donc la cochlée, c'est un espèce de tube enroulé sur lui-même, rempli de liquide. Et dans ce tube, le long de la cochlée, sur une bande très très précise, on a des cellules ciliées qui sont comme des petits poils. Lorsqu'on a transmission des ondes sonores et donc de mouvement du liquide qui se situe dans la cochlée, on va faire bouger ces cellules ciliées. Et en fait, d'ailleurs, vous en avez sûrement entendu parler parce que vous savez que si vous allez, par exemple, dans un concert et que le son est trop fort, voilà, on peut abîmer l'audition. Et en fait, comment ça fonctionne, une perte d'audition de façon permanente. D'ailleurs, on peut revenir sur l'émission de la semaine dernière avec le Krakatoa qui pouvait rendre sourd plein de gens. Ce qui se passe, c'est quand vous avez un son qui est beaucoup trop fort, les cellules ciliées, justement, ces petits cils qui vibrent, vont être cassées ou très malmenées parce que la vibration, tout simplement, va être beaucoup trop forte. Et une fois qu'ils sont abîmés, c'est irrémédiable, on ne peut pas les réparer. Donc bref, lorsque vous entendez n'importe quel son, vous faites vibrer ces petites cellules ciliées et ce sont elles, en fait, qui permettent ensuite de transmettre l'information au cerveau. Alors vous allez me dire, nous, on n'entend pas les ultrasons. Alors comment est-ce que les chauves-souris, si elles ont une cochlée exactement comme nous et des cellules ciliées exactement comme nous, comment est-ce qu'elles font pour entendre les ultrasons ? En fait, là aussi, ça se situe dans la cochlée. Elles ont une cochlée qui est quand même un petit peu différente de la nôtre, même si elle fonctionne sur le même principe. En fait, pour reconnaître la fréquence d'un son, pour vous, que vous sachiez si un son il est aigu ou grave, ce qui va dépendre de la façon dont vous allez reconnaître le son, c'est le type de cellules ciliées qui vibrent. Comme je l'ai dit, les cellules ciliées sont disposées tout au long du conduit de la cochlée, mais les cellules ciliées de la base de la cochlée permettent d'entendre les sons aigus et ceux qui sont à l'apex, les sons graves. Ce qui veut dire qu'en fonction de la hauteur du son que vous entendez, ce ne sont pas les mêmes cellules ciliées de la cochlée qui vont vibrer. Et en fait, les chauves-souris, pour entendre les ultrasons, il leur suffit d'avoir une cochlée qui est plus longue, ce qui leur permettra d'avoir une gamme de fréquences qu'elles peuvent entendre qui est beaucoup plus grande et donc d'aller des sons graves jusqu'aux ultrasons, en allongeant tout simplement leur cochlée. Donc comme vous voyez, c'est assez intéressant, je trouve, même d'un point de vue évolutif, puisqu'on voit comment on peut finalement augmenter la gamme d'un sens, ici l'audition, juste en modifiant quelque chose qui existe déjà. Ici, c'est la cochlée. Après, bien sûr, le signal est traité par le cerveau, ces cellules ciliées envoient des signaux à différentes régions du cerveau, notamment le cortex auditif, qui est plus développé chez les chauves-souris que d'autres mammifères, ce qui laisse penser qu'en fait, on n'a pas uniquement une adaptation de la cochlée, des oreilles, de la morphologie et tout, mais qu'on développe aussi des choses dans le cerveau. Gardez ça en tête parce qu'on y reviendra à la fin de l'épisode. Et on connaît d'ailleurs dans ce cortex auditif des zones absolument spécifiques pour les collocations, y compris ces différents types, et ça, on va y venir un peu plus tôt qu'à la fin de l'épisode, parce qu'on n'a pas un type d'écolocation, on en a plusieurs. Mais on n'a toujours pas répondu à la question pourquoi des ultrasons et pas des sons normaux. Alors ça, c'est toujours un peu discuté. On pense que c'est lié tout simplement à la propriété de l'onde sonore. On a des fréquences qui nous permettent, du fait des propriétés des ondes, d'avoir une plus grande sensibilité pour le retour de l'écho. Donc c'est pour ça qu'on pense que les animaux qui font de l'écholocation ont tendance, enfin en tout cas les chauves-souris, si on va voir que c'est pas le cas de tout le monde, ont tendance à utiliser les ultrasons, tout simplement parce que ça permettra de donner des informations plus précises sur la localisation. Alors, un fun fact, en fait, ces ultrasons, ils sont aussi très, très hauts en décibels. Donc, je vous ai parlé de la, de la hauteur du son, donc aigu ou grave. Mais comme vous le savez, on n'a pas uniquement ça dans un son, on a aussi la force du son. Et c'est ça qui peut vous rendre sourd d'ailleurs. Si vous avez un son avec très haut en décibels, bah, ça peut vous abîmer la cochlée et les cellules ciliées. Et en fait, ça, c'est hyper chouette. Comme les chauves-souris, elles envoient des sons qui sont très très hauts en décibels. Pour ne pas devenir sourdes elles-mêmes en envoyant leur signal, elles vont avoir, juste après avoir émis le signal par le larynx, contracter certains muscles de l'oreille moyenne, donc qui transmet le son à la cochlée, ce qui va empêcher la transmission du son. Et donc, même si elles émettent le son, elles ne l'entendent pas directement, ce qui fait qu'elles vont protéger leur propre cochlée. Par contre, cette contraction, elle va partir au moment de recevoir l'écho. Et tout ça, je dis au moment de recevoir l'écho, ça se passe en quelques millisecondes. Hein. Ça va vite, de l'ordre de la milliseconde à la seconde. Et donc, elles vont être capables à la fois de se protéger de leur propre son, mais d'entendre l'écho. Ce qui, je trouve, est quand même assez chouette d'un point de vue adaptation à un système qui est finalement assez extrême et qui peut même être dangereux pour soi. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Cool. Ouais. Alors, on peut se demander ensuite, là j'ai parlé d'anatomie finalement beaucoup, en quoi ça permet de se repérer dans l'espace? Comment finalement avec le son on va se repérer dans l'espace? Pour ça, un truc assez classique qu'on dit, c'est penser aux ambulances et à l'effet Doppler en fait. Vous savez, quand ça fait... Bon, le son change en fait quand l'ambulance passe. Tu fais trop bien l'ambulance. Des années d'expérience. Faire l'ambulance. Et d'ailleurs, quand vous avez un accident, j'en ai eu un en septembre, et que vous attendez l'ambulance de toutes vos forces et que vous écoutez pour savoir si l'ambulance arrive, vous écoutez son son. Ça, c'est un truc aussi qu'on entend très bien, quoi. On entend le son qui se rapproche, non seulement parce que le son devient plus fort, mais aussi parce que voilà, la fréquence, ce que vous entendez change un peu. Et en fait, la chauve-souris utilise ça, enfin les chauves-souris qui font des colocations utilisent ça. Elles sont capables, en fonction du temps que le son met à revenir, des variations de ce qu'elles entendent, d'estimer absolument de manière très très précise la distance, la hauteur et la direction de l'objet qui renvoie le son. Et elles sont même si performantes qu'elles sont capables de faire ça sur un objet en mouvement. Par exemple, une chauve-souris qui chasse des insectes, c'est une chauve-souris insectivore, elle va être capable de suivre l'insecte et de s'adapter au vol de l'insecte pour l'attraper et le manger, parce que son écholocation est capable de déterminer précisément l'objet en mouvement, où il est, etc. Mais en fait, c'est vrai aussi pas uniquement pour les insectivores. On a des chauves-souris frugivores ou nectarivores qui utilisent l'écholocation pour trouver leurs fruits, leurs fleurs. Et ça, Eléa en parlera aussi un peu plus tard. D'autres chauves-souris utilisent aussi ça tout simplement pour se retrouver dans une grotte, par exemple, et savoir où sont les murs, où sont les autres chauves-souris, etc. Alors en fait, comme je l'ai dit depuis le début, j'ai un peu spoilé ce que je vais dire maintenant, que les chauves-souris, en fait, on n'a pas un seul type d'écholocation, et toutes les chauves-souris ne font pas de l'écholocation. La précision de ces systèmes, donc de détermination d'un objet, etc., va varier énormément en fonction du type d'écholocation. On a deux grands types. Un type d'écholocation qui s'appelle FM ou modulation de fréquence, et un type qui s'appelle fréquence constante, constant frequency. Et donc, c'est deux façons d'envoyer des signaux, de les recevoir en modulant ou pas la fréquence que la chauve-souris envoie. La fréquence constante est censée être plus précise, parce qu'en fait, on parle de fréquence constante parce que les chauves-souris compensent justement systématiquement l'effet Doppler pour avoir un son qui revient à une fréquence qui est à peu près constante. Et cette dernière est censée être plus précise pour les environnements ouverts, donc tout ce qui est chasse. Et on a quelques insectivores qui font ça pour cette raison, on pense. Mais par contre, la modulation de fréquence est censée être plus pratique pour les environnements clos, etc. Donc en fait, voilà, avoir l'un ou l'autre, ça peut dépendre des 13 histoires de la vie de la chauve-souris, tout simplement. Et celles qui font de la fréquence constante font en général aussi de la modulation de fréquence. Donc voilà, on a toutes ces variations. Et par-dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on rentrerait dans des choses vraiment très très techniques, mais par-dessus tout ça, se surimposent encore d'autres variations. Le type de broadband qu'elles utilisent peut changer. On peut avoir plus ou moins d'harmonique ou un seul type. Donc c'est extrêmement varié, extrêmement précis en fonction de là où elles nichent, de la nourriture. Et encore, on ne comprend pas en fait tous les paramètres qui influencent ça. On est aussi capable de reconnaître l'espèce en fonction de la fréquence des ultrasons, de la durée des ultrasons. Moi, j'ai des petits appareils dans la forêt pour savoir quelles espèces sont autour de moi qui détectent les ultrasons. Et en fonction d'un pattern d'envoi des ultrasons, l'appareil est capable de me dire quelle chauve-souris, quelle espèce j'ai autour de moi, avec évidemment plus ou moins de précision, mais voilà. Donc c'est très varié. Ça, c'est le principe des bad box, là ? Ce qu'on appelle les bad box ? Oui, alors effectivement, donc on a des bad box, et avant c'était des appareils spécifiques, des gros appareils avec des antennes et tout ça pour écouter tout ça. Maintenant, on a des appareils, alors je ne fais aucune pub pour cette boîte, mais il faut reconnaître que c'est très pratique. Si vous allez sur Wildlife Acoustics, ils ont créé des petits détecteurs d'ultrasons qu'on branche en fait sur une tablette ou un téléphone. Moi, je le branche sur mon téléphone, ce qui permet à mon téléphone d'être capable d'entendre les ultrasons, parce que les téléphones ne peuvent pas, évidemment, normalement. Et ensuite, j'ai une app sur mon téléphone qui analyse en fait en direct les sons de chauve-souris. Et ça coûte pas très cher, hein, ça coûte une centaine d'euros, et ça permet de... Bon, y a différents modèles après, bien sûr, mais on pourrait assimiler ça à une bad box maintenant. Ça permet à n'importe qui a envie d'écouter des chauves-souris autour de chez lui de le faire. Voilà. J'avais fait une balade au musée de la chauve-souris nocturne où on allait écouter les chauves-souris, et ça m'avait vachement impressionné le fait de pouvoir entendre les clics comme ça en ultrasons avec cette boîte, quoi. Ouais, effectivement, c'est le seul moment où on les entend faire comme ça, avec ces sons très stéréotypés. Alors après, il faut voir aussi, moi j'ai découvert en utilisant ces petits appareils que, en fait, le son qu'on entend, il est évidemment restitué, enfin par en audible, et du coup on peut mettre différents filtres qui nous donnent différents sons, quoi. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre ça sous forme de... Tout comme on est habitué au son d'un compteur GGR près de la radioactivité, là, ces sonneries qui font... Mais bon, ça reste comme monde est, tout le monde est habitué à entendre un son de compteur GGR, mais ouais. Non, mais c'est dans l'imaginaire collectif, on va dire, je pense. Mais voilà, enfin, c'est des sons qui sont restitués, bien sûr. Donc après, on peut mettre par-dessus hein, le filtre qu'on veut en type de son, quoi. Il y a une question de Nive dans la chatroom qui demande, ouais, si les chauves-souris utilisent les ultrasons pour chasser, est-ce que leurs proies n'ont pas évolué pour repérer les ultrasons et du coup se planquer ? Haha, ben ça, on va en parler un petit peu plus loin dans l'épisode, et c'est d'ailleurs Eléa qui va en parler. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom ou... Non ? Pour l'instant, ça va. Ok, alors je continue. Comme j'ai dit, on a vu déjà que les chauves-souris font de l'écolocation et que l'écolocation est variée. Mais si vous avez en tête que toutes les chauves-souris font de l'écolocation, eh ben vous vous trompez, parce qu'il existe certaines espèces qui appartiennent au groupe des ptéroptidés. Je ne vais pas utiliser les termes microbates, macrobates, parce que d'un point de vue évolutif, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Mais bref, les ptéroptidés, c'est des grandes chauves-souris. Celles qu'on peut appeler notamment les flying foxes, et on considère que voilà, ces chauves-souris, par exemple, une grande partie d'entre elles, pas toutes, ne font pas d'écolocation. On considère en fait aujourd'hui probable que l'écolocation était présente chez toutes les chauves-souris à l'origine, et qu'elle a été perdue chez ce groupe. Et dans ce groupe, certaines espèces ont quand même pu acquérir une écolocation rudimentaire. C'est le cas des roussettes, où elles font des clics avec leur langue au lieu du pharynx. Donc elles font juste vraiment un... comme ça, avec des clics qui peuvent être audibles d'ailleurs pour certains. Mais voilà, c'est une écolocation rudimentaire qui a été réévoluée ici. Maintenant, c'est quand même encore discuté, pour être tout à fait honnête. Il y a quand même des gens qui considèrent qu'on n'avait pas d'écolocation au départ, qu'elle a ensuite évolué plusieurs fois au sein des chauves-souris. C'est pas l'hypothèse qui est privilégiée au sens actuel. Mais bon, ce serait malhonnête de ma part de pas le dire. Donc voilà, je le dis. Sachant que toutes les études maintenant qui se basent sur mesurer la cochlée chez les fossiles, chez les chauves-souris actuelles, etc., pensent qu'il est probable qu'on ait eu une évolution à l'origine et ensuite une perte chez cette famille. Mais là encore, c'est très discuté parmi les spécialistes. Et pour ce que je voulais dire juste après, je l'ai un petit peu en fait déjà évoqué. Qu'est-ce qui fait qu'on a ces variations entre faire de l'écolocation, ne pas faire d'écolocation et les différents types d'écolocation? Pendant longtemps, on a pensé que c'était uniquement le régime alimentaire. On pensait que c'était la nourriture et on pensait que les grosses chauves-souris frugivores ne faisaient pas d'écolocation parce qu'elles étaient frugivores. Mais en fait, c'est pas uniquement le cas et c'est pas uniquement ça, puisqu'on a beaucoup de frugivores en Amérique centrale, par exemple, qui font de l'écolocation. Et puis aussi, on a beaucoup de frugivores qui sont pas nécessairement des frugivores stricts. Elles peuvent aussi manger un peu des insectes. Et donc, du coup, la nourriture, ce serait pas uniquement la seule chose qui jouerait sur avoir ou pas de l'écolocation. C'est un truc qu'on a cherché dans notre labo pendant longtemps et puis on n'a rien trouvé. Donc, on a sans doute beaucoup de choses en parallèle. On pensait aussi à un moment qu'on avait un compromis avec la vision, que les chauves-souris qui avaient une bonne vision avaient nécessairement une mauvaise écolocation et vice-versa. Mais là aussi, en fait, on se rend compte que ce n'est pas le cas. On a des chauves-souris qui ont une très bonne vision, qui voient deux couleurs et qui ont une bonne écolocation, et des chauves-souris qui ont une écolocation moyenne, qui voient bien, d'autres qui ne voient pas bien et qui n'ont pas une super écolocation. Voilà, tous les mots super écolocation, évidemment, étant à prendre avec des pincettes. Donc bref, on ne comprend pas encore tout. On a cette variation et on a sans doute encore plein de choses à découvrir. Notamment, là, il y a un papier qui est sorti il y a peu de temps qui montre que la forme des crânes de chauves-souris est liée aussi au type d'écolocation. Donc, on a eu sans doute évolution de leur crâne en ce sens. Voilà, ça montre qu'il y a encore plein de choses qu'on ne comprend pas et que on va sans doute découvrir dans les années qui viennent au fur et à mesure qu'on les étudie. Alors, j'ai beaucoup parlé des chauves-souris. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les chauves-souris? On va passer à d'autres animaux. Non, c'est bon. Effectivement, c'est Clé Orage qui a dit, je crois, qu'on avait d'autres espèces qui faisaient de l'écolocation, et notamment le dauphin. Et du coup, on peut se demander, est-ce que c'est pareil chez ces animaux? Est-ce qu'on fait de l'écolocation de la même façon? Ou est-ce qu'on a, de manière totalement indépendante, une autre façon de faire de l'écolocation? Alors en fait, c'est assez proche sur certains aspects, mais pas nécessairement sur l'aspect morphologique. Et en fait, on n'a pas que les dauphins qui font des colocations, on a les odontocètes en général, donc c'est-à-dire tout ce qui s'appelle les baleines à dents, en fait, les orques, le marsouin, les dauphins, voilà, ils font des colocations. Et pour émettre leur son, ils font passer de l'air, de leur narine un peu osseuse aux lèvres phoniques, jusqu'aux lèvres phoniques, et donc ils vont émettre leur son de cette façon. Donc c'est un peu différent des chauves-souris qui font le son avec leur larynx. Et ensuite, les dauphins possèdent aussi des adaptations de leur crâne. Voilà, on entend bien le son. Alors les sons sont un peu différents de ceux des chauves-souris du coup, mais là on entend aussi des sons audibles. Mais alors du coup sur l'image que j'ai vue dans la chatroom, on voit bien une structure qui s'appelle aussi le melon, ici chez le dauphin, et en fait qui aide vraiment à l'émission du son, qui est une structure un peu lipidique et qui est censée aider à focusser le signal et le faisceau d'émission du son. Mais alors est-ce que tous les dauphins ont systématiquement le melon ? Ce serait une bonne question. Mais je connais des gens qui ne sont pas des dauphins, qui ont le melon de façon certaine. Mais voilà, donc du coup, c'est des structures spécialisées aussi. Donc c'est intéressant, si on compare aux chauves-souris, de voir que dans les deux cas, on a quand même des structures spécialisées qui aident à émettre les clics de façon optimale. L'écho qui revient est ensuite capté par des structures lipidiques vers la mâchoire. Donc, on les voit dessous pour la réception. Hein. C'est toute la partie qui est entièrement dessous et qui va transmettre ces vibrations à l'oreille interne, donc de manière un peu plus simple que pour nous. Même si, par contre, l'oreille interne est pareil. Hein. On a une cochlée aussi avec des cellules ciliées, etc. Et ensuite... la cochlée va transmettre évidemment le signal au cerveau, comme pour une chauve-souris. Et là, dans le cerveau, on sait qu'on a des adaptations dans le cerveau du dauphin qui permet de résoudre des fréquences de clics très élevées. Et finalement, pour finir, et après je vais répondre à la question de Dave, on a des similitudes, bah, du coup, qui en fait répond un peu à la question de Dave, donc je vais la lire maintenant. Est-ce que le mécanisme de connexion oreille-voix chez l'humain pourrait être dérivé d'un mécanisme filoté génétiquement ancien d'écolocalisation? Alors, c'est une question hyper intéressante. Donc, d'abord, avant d'y répondre complètement, je vais répondre aux similitudes dauphin-chauve-souris, parce que ça peut permettre d'éclaircir tout ça. On se rend compte dans le génome de la chauve-souris et du dauphin qu'on a certains gènes qui présentent des mutations similaires, comme par exemple la prestine, qui est un gène qui est impliqué dans les cellules ciliées, etc. Dans les deux cas, on a des mutations similaires qui confèrent une meilleure sensibilité au son. Et donc là, si vous vous souvenez de tous les dossiers de topo, etc., il s'agit de convergence évolutive, c'est-à-dire que de manière totalement indépendante, on a dans le génome des évolutions qui sont similaires, ici d'une protéine, qui sont liées à une pression de sélection qui est sans doute similaire, ici, faire de l'écolocation, en l'occurrence, s'orienter dans l'espace avec le son. Alors, en fait, le mécanisme oreille-voix chez l'humain, le mécanisme de l'audition, c'est quelque chose qu'on a pour entendre de cette façon-là chez les vertébrés. Donc, on a quelque chose qui est effectivement très ancien à ce niveau-là. Mais maintenant, pour l'écolocation, il semble qu'on ait quelque chose qui se rajoute par-dessus ça. L'hypothèse qui est communément admise, c'est qu'on a d'abord l'audition au départ, donc avec tout le système... oreille interne, oreille moyenne, oreille interne, ou plus simplement chez d'autres espèces de vertébrés qui ont pas nécessairement tout. Et ensuite, par-dessus ça, on surimpose l'écolocation. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les chauves-souris, on a une cochlée qui s'allonge quand on fait de l'écolocation pour avoir des gammes de fréquences plus longues. Si on a besoin de gammes de fréquences plus longues, puisqu'on a des espèces, comme on va le voir très vite là, qui n'utilisent pas nécessairement d'ultrasons et donc qui n'ont pas nécessairement besoin d'une cochlée plus longue. Il faut quand même préciser que le dessin que Puyo vient de poster dans la chatroom avec deux chauves-souris, et il y en a une qui dit à l'autre « tu fais quoi au juste ?» et l'autre qui fait « de l'écolocation pour retrouver mon écolocataire. J'ai tellement picolé que je ne sais plus où j'ai mis. » C'est génial. Il est génial ce dessin, il est trop bien. Ça peut être il faut que ce soit le... La miniature. Ouais. Alors du coup, j'ai parlé d'autres animaux et d'écolocation qui n'est pas nécessairement avec des ultrasons. Alors, est-ce qu'on a d'autres animaux? En fait, on en a, mais on en parle un peu moins. On a par exemple certaines musaraignes, comme la musaraigne commune, la musaraigne errante, j'adore les noms vernaculaires, ou la grande musaraigne à queue courte. Celles-là peuvent faire par exemple de l'écolocation, qui est moins sophistiquée que celle des chauves-souris, même si là aussi on a retrouvé des gènes qui ont évolué de la même façon. Donc là aussi on a une convergence évolutive vers certains gènes qui permet d'être un peu une sorte de signature en fait dans le génome de la présence d'écolocation même limitée. On considère chez ces espèces aussi que l'écolocation est limitée à l'orientation dans l'espace et non pas pour chasser donc, et qu'elle est sans doute là pour compenser l'absence de vision en milieu confiné des galeries la nuit. Alors là, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on n'a pas nécessairement un lien direct entre écolocation et vision, en tout cas capacité visuelle, mais c'est vrai quand même que en général les animaux qui font de l'écolocation sont des animaux qui évoluent dans des milieux sombres comme les dauphins par exemple ou nocturnes ou en partie nocturnes. Donc on a quand même toujours cette idée quand même un peu de quand on est dans le noir, on a besoin de s'orienter d'une autre façon, même si c'est pas absolu. Pour les mammifères, d'autres mammifères, on a aussi le solénodon. Qui est une espèce nocturne assez bizarre, si on peut mettre une photo dans la chatroom. Les deux espèces qui restent sont en danger, dans les néotropiques, et le sonélodon est capable de naviguer et de trouver sa nourriture en utilisant de l'écholocation, avec des clics aussi, d'une fréquence assez élevée, à la limite de l'audible, mais qu'on pense qu'on peut quand même entendre. Mais là encore, c'est bien moins étudié, si j'en dis moins sur ces espèces. Bon, c'est aussi parce qu'on ne va pas faire le catalogue de tout le monde qui fait de l'écholocation, mais aussi parce que voilà, c'est quand même moins étudié que les chauves-souris et les dauphins. Et pour finir, on a quand même des oiseaux aussi qui font de l'écholocation. Un certain type d'hirondelle, par exemple, du genre Aerodramus, qui possède un système d'écholocation qui est assez rudimentaire, mais qui leur permet de s'orienter la nuit, notamment dans leurs grottes et leurs nids. On a une histoire assez mal comprise concernant l'origine de l'écholocation dans ce groupe, et je ne vais pas trop m'avancer, mais c'est quand même un groupe d'oiseaux où on retrouve de l'écholocation. Et enfin, on a un autre oiseau avec un nom que je trouve personnellement super cool, qui s'appelle le guacaro des cavernes, et je trouve que c'est assez classe comme nom, qui est endémique des néotropiques, et qui utilise, en addition à leur vision qui est très développée pour le coup, donc comme quoi c'est pas forcément toujours un compromis, qui utilise l'écholocation pour naviguer, notamment la nuit, en produisant des clics qui sont tout à fait audibles, même si très haut en fréquence. Donc ici, là encore, on a un animal avec une vision très développée, mais aussi un système d'écholocation qui est quand même assez efficace. Donc bref, que conclure sur l'écholocation dans le monde animal, en tout cas pour les différentes espèces, c'est quand même une façon de sentir son environnement qui est très importante dans le monde animal. On a plusieurs espèces qui le font. Et si on compare les chauves-souris aux cétacés, on peut noter plusieurs choses un peu communes. La première, c'est que beaucoup de ces animaux sont nocturnes, ou dans des environnements à faible lumière, donc ce qui fait du sens. C'est pas toujours complètement un compromis, mais bon, c'est quand même une notion qui est importante, c'est une tendance. On a des ultrasons, qui sont un peu iconiques des chauves-souris, une fréquence haute, mais pas toujours. On peut faire de l'écholocation sans ultrasons, même si ceux-ci sont plutôt privilégiés pour les raisons que j'ai énoncées plus haut. Et ensuite, on a de l'écholocation qui est plus ou moins efficace, ce qui voudrait dire, et on annonce un peu ce qui va suivre plus tard, qu'on a un certain degré, on a un espèce de continuum dans l'écholocation. Et donc, peut-être, ça laisserait penser aussi qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être aussi performant que les chauves-souris et d'avoir des structures aussi spéciales pour faire de l'écholocation. Peut-être juste avec ce qu'on a, on pourrait faire une écholocation rudimentaire. Alors, la dernière question qu'on peut se poser avant que je passe la parole à Eléa pour parler des interactions avec les animaux qui font de l'écholocation et les autres animaux qui les proies, par exemple, ou les plantes, la dernière question qu'on peut se poser sur l'écholocation, c'est, à votre avis, est-ce que c'est inné ou acquis chez ces animaux? Ça peut être pour Cléora, ça. Alors là, je dirais inné, moi. Tu dirais inné? Ouais. Ouais, alors en fait, effectivement, les données que j'ai concernent essentiellement les chauves-souris. Et on va pouvoir vous mettre une... je ne sais plus où j'ai mis le lien. Bref, on pourra le mettre dans les notes d'émission, dans la chatroom. Il y a un papier qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui prouve que c'est inné chez les chauves-souris, en fait. Les chercheurs ont qui pris prouve carrément. Pardon ? Qui prouve carrément. Ouais, parce qu'en fait, ils ont pris des chauves-souris qui n'avaient jamais été exposées à de l'écholocation, enfin, qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre, ouais. Et qui sont capables de reconnaître un plan d'eau versus d'autres matières en utilisant l'écholocation. Donc, elles apprennent de manière innée, en fait, à faire de l'écholocation. Alors, évidemment... voilà, je ne crois pas qu'elles aient été isolées pendant des générations et des générations, mais... déjà, ce serait impossible à faire techniquement vu le temps de gestation. Mais y a une vidéo sur YouTube que vous pouvez trouver si vous tapez nature vidéo écholocation chauve-souris qui justement montre ce que les chercheurs ont fait et qui démontre en tout cas qu'il y a une composante innée non négligeable chez les chauves-souris. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'elles ont appris, de leurs parents ou au cours de leur enfance. C'est quelque chose qu'elles font de manière instinctive. Super intéressant, ça. Ouais, ouais, ouais, non, c'est chouette. Et puis, on va voir qu'en fait, on verra un peu plus tard pour la deuxième partie de l'émission aussi que ben, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et alors, du coup, bref, on a beaucoup parlé, de comment faire de l'écolocation. Mais... comme l'a dit Dave dans la chatroom, si les êtres vivants font de l'écolocation, notamment pour trouver leur nourriture, qu'elle soit animale ou végétale, est-ce que les êtres vivants ont des stratégies soit pour éviter de se faire manger, soit au contraire pour attirer les espèces qui pourraient avoir un intérêt à se faire visiter? Alors pour cette partie, je vais laisser la parole à Eléa qui a plein de trucs assez chouettes à dire là-dessus. Donc effectivement, si les ondes sonores se propagent un peu dans toutes les directions, que certains animaux en font usage pour vivre leur vie, on est en droit de se demander si la stratégie n'est pas encore plus répandue dans le règne vivant et si d'autres organismes tirent pas ça à profit. Alors, une étude sur laquelle je suis tombée en faisant mes recherches pour ce dossier parle d'une expérience dans laquelle des chercheurs ont filmé pendant 4 ans les comportements de prédation de chauves-souris dans 8 pays différents, et ils se sont rendus compte que certains papillons de nuit comme les sphinguidés, les fameux sphinx, vous savez, c'est les papillons qui savent faire du vol stationnaire, sont souvent épargnés par les chauves-souris. Pareil pour les papillons tigres de la famille des arctinés, déjà parce qu'ils sont toxiques pour elles, c'est-à-dire qu'au bout de quelques essais, les chauves-souris apprennent à ne pas les chasser, mais aussi parce qu'elles émettent du son. Alors, ces charmants papillons possèdent, pour certains, un appareil émetteur de son à l'extrémité de leur appareil génital. Et lorsqu'ils entendent les clics des chauves-souris, ils font à leur tour du bruit, et alors que le prédateur fonce sur eux, paf, ils dévient au dernier moment. Alors, il y a plusieurs hypothèses pour expliquer ça. Soit le signal émis par le papillon brouille l'écho des chauves-souris, ou alors simplement la chauve-souris entend le son caractéristique de cette espèce toxique et s'en désintéresse. Donc c'est le gif que je vous avais mis au début dans la chatroom, donc on voit vraiment la chauve-souris foncer vers la proie qu'elle a détectée grâce à son sonar, et au dernier moment, on dirait vraiment qu'elle la loupe, quoi. Qu'il se passe un truc, elle dévie au dernier moment. Alors, cette capacité-là, ils ont un peu compté. Ils estiment qu'elle est apparue au moins 12 fois chez plusieurs espèces de papillons de nuit. Et les chercheurs pensent que cette fonction est un peu duelle. Donc, certains papillons émettent des clics plutôt légers, qui pourraient donc faire croire à une chauve-souris qu'une autre cible existe pas très loin. Ça génère une espèce d'image sonore de leurre de faux papillons, et ça brouille les pistes pendant la chasse. Alors qu'il y a d'autres papillons qui émettent des clics plus forts, qui pourraient carrément brouiller le radar et interférer avec le sonar des chauves-souris, ce qui fait que elle dévie, elle passe complètement à côté. Alors, c'est un domaine passionnant, mais bon, évidemment, il y a encore beaucoup d'hypothèses à tester. Mais pendant ce temps-là, en tout cas, ces papillons de nuit peuvent tranquillement aller polliniser leurs fleurs nocturnes. Alors, penchons-nous un peu sur les fleurs, justement, puisque ce n'est pas du tout le sujet qui m'intéresse le plus dans cette émission. certaines, pour leur pollinisation, ne dépendent pas d'insectes, mais de chauves-souris, justement. Et en matière de stratégie, les plantes ont vraiment de quoi nous surprendre. Si les chauves-souris s'orientent exclusivement grâce au son, la nuit, avec leur écolocation, comment devenir les plus attractives sur le marché des fleurs? Parce que de jour, il n'y a pas de problème, hein, on peut attirer un insecte, on peut déployer des couleurs chatoyantes, on peut diffuser des parfums suaves et entêtants à la chaleur du soleil, mais comment on fait la nuit? Puisque la nuit, il y a peu d'odeur, il n'y a pas de couleur, donc il faut vraiment trouver autre chose pour attirer son pollinisateur, surtout que tous les obstacles autour dans la canopée de la forêt peuvent entrer en compétition avec la fleur qui doit se faire polliniser. Alors, déjà, ces plantes pollinisées par les chauves-souris, elles ont souvent des adaptations intéressantes, par exemple le fait de faire pendre leurs fleurs au bout de longues tiges suspendues, un peu en mode chandelier, comme ça, dans la forêt. Alors, on voit cette stratégie, par exemple, chez le baobab. Si vous avez déjà vu des fleurs de baobab, c'est des grosses fleurs blanches qui pendent le long d'un fil. Il y a aussi des vignes de la famille des cucurbitacées, comme l'espèce qui s'appelle Gurania spinulosa. Et ça, ce fil, ça permet vraiment aux chauves-souris de trouver l'arbre et de venir se suspendre et de leur lécher les parties génitales qui suintent du nectar. Voilà. Désolée d'utiliser un vocabulaire cru, mais en image, ça revient à ce que les chauves-souris soient adeptes du cunnilingus végétal interespèce. Voilà. Donc, c'est assez intéressant à voir et à étudier. Et c'est assez impressionnant, mais c'est une stratégie qui est plutôt coûteuse pour l'arbre, puisque ça met quand même les fleurs et les fruits sur des branches qui sont spécialisées et qui n'ont pas de feuilles, puisqu'elles pendent. Et ça contribue pas vraiment à la photosynthèse. Alors, en échange, le bénéfice est quand même là. Le fait de suspendre les fruits à un fil, ça permet à la chauve-souris de mieux repérer le fruit ou la fleur dans la canopée de la forêt. D'ailleurs, ça a un nom, si vous voulez vous la péter en soirée, c'est un comportement qu'on appelle la flagellicorie, en botanique. Voilà. Ah, c'est cool, moi je savais pas. Et j'ai juste, je te coupe deux minutes, j'ai mis une vidéo justement dans la chatroom de chauves-souris qui peuvent aller se nourrir notamment sur des fleurs, qui justement illustrent parfaitement tout ce que tu racontes. On les voit vraiment s'approcher, rentrer, etc. Donc c'est assez, assez chouette. Ouais, c'est assez impressionnant. Et ça ne s'arrête pas là. Hein. Il y a certaines espèces, comme Marcgravia evenia, de son petit nom, qui adaptent la forme de leurs feuilles en forme de parabole. L'écho qui est renvoyé, du coup, suite à l'émission d'un clic par une chauve-souris, est assez clair, se propage à vraiment grande distance, et ça permet aux chauves-souris de bien distinguer la fleur parmi toute la canopée, dans une grosse forêt dense. Alors, cette adaptation à elle seule, les chercheurs ont mesuré, ça permet de réduire le temps nécessaire aux chauves-souris pour trouver la fleur par deux. Donc ça, c'est une liane de la famille des Marcgraviacées, qui est endémique de Cuba, et elle dépend exclusivement d'une espèce de chauve-souris pour sa pollinisation, qui est appelée Monophyllus, c'est un genre particulier qui est à Cuba, et qui se nourrit de son nectar. Et qui sont très très choux comme chauve-souris d'ailleurs, très très gentils aussi, très calmes comme espèce. Je vous ai mis une photo, ça fait des espèces de fleurs rouges là, pendantes, avec une petite feuille juste au-dessus de la grappe de fleurs, qui a une légère forme de parabole. Donc, en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment la feuille qui est au-dessus de l'inflorescence qui va avoir cette forme arrondie de parabole, les autres feuilles un peu moins. Donc c'est vraiment une adaptation qui est là pour dire, regardez, j'ai une fleur ici, donc repérez-moi et venez me lécher. Voilà. C'est dingue, hein. On dirait presque une construction humaine, ouais, hein. Fait artificiellement. Alors, c'est pas la seule adaptation. On trouve également cette stratégie sur des plantes à urnes, qui sont d'ordinaire carnivores. Je vous en avais déjà parlé dans un épisode, il me semble, mais l'exemple le plus cité de cette adaptation-là, c'est Nepenthes hemsleyana. C'est une plante endémique de Bornéo, et plutôt que d'être une carnivore classique qui va attirer des insectes dans ses sucs digestifs pour les absorber, elle fonctionne plutôt sur une relation mutualiste avec ses copines chauves-souris. Donc elle produit moins de fluide visqueux dans son urne, elle produit moins de nectar et moins d'odeur, mais elle a une structure parabolique sur les urnes, les plus en hauteur, dans les arbres, et la capacité de réflexion des échos de cette parabole étant très bonne, elle se signale ainsi au radar des chauves-souris, et offre le gîte à une espèce particulière qui s'appelle Kerivula hardwicki, qui est surnommée en nom vernaculaire la chauve-souris laineuse de Hardwick. Et donc, cette chauve-souris va venir habiter dans l'urne, elle va déféquer dans l'urne, et la plante est capable de tirer jusqu'à 33,8% de l'azote dont elle a besoin pour vivre, grâce au caca de chauve-souris. Voilà. C'est pas mal comme échange en mode donnant-donnant, je trouve. Donc, il y a pas mal de papiers sur vraiment la physique de cette acoustique, que je vous mettrai dans les liens de l'émission, vous pourrez aller consulter les publis, c'est vraiment assez impressionnant. Si vous retirez cette structure au-dessus de l'urne, les chauves-souris ont vraiment du mal à trouver la fleur, et elles ne viennent pas élire domicile statistiquement dans la plante. Voilà. Alors, il y en a une autre que je peux vous citer, qui s'appelle Mucuna holtoni. Elle est de la famille des Fabacées, donc c'est la même famille que les petits pois. Et elle fait encore plus fort, ce sont carrément les fleurs elles-mêmes qui signalent leur présence. C'est pas la plante qui fait une feuille pour signaler qu'il y a une grappe de fleurs, c'est carrément fleur par fleur. Donc, dans cette famille, les Fabacées, qu'on appelait avant la famille des Papilionacées, les fleurs sont assez caractéristiques puisqu'elles ressemblent à des espèces de papillons. Si on vous montre un schéma de fleurs de Fabacées, il y a plusieurs structures qui sont toujours les mêmes. En bas, vous avez un pétale qu'on appelle la carène, comme les bateaux, donc ça fait comme une coque de bateau. Ensuite, vous avez deux pétales qui s'appellent les ailes en latéral. Et vous avez aussi un quatrième pétale au-dessus qui s'appelle l'étendard. Et donc, cet étendard va être au-dessus de la fleur. Et en général, c'est un signal visuel pour les pollinisateurs. Alors, en l'occurrence, chez Mucuna, qui est pollinisé par une chauve-souris, l'étendard qui se déploie pendant la maturation du bourgeon de la fleur renvoie les ultrasons. Et donc, ça signale efficacement à la chauve-souris non seulement que la fleur est enfin mature et pleine de nectar, mais aussi qu'elle a déjà été visitée. Parce que, oui, une fois la plante repérée, la chauve-souris, elle va venir mettre son museau dans la fleur, sucer le nectar en appuyant sur l'étendard, et la fleur va exploser et libérer son pollen sur un mode explosif. C'est d'ailleurs pas très courant chez cette famille. Et la chauve-souris va donc se faire imbiber le museau de pollen pour aller polliniser ailleurs. Et en appuyant sur cet étendard, il va être légèrement abîmé et du coup, il va moins bien réfléchir le son et donc devenir moins attractif. Ce qui fait que les chauves-souris savent non seulement si la fleur a déjà été visitée et elle va pas s'embêter à retourner la voir, quoi. En plus, les fleurs déjà visitées produisent moins de nectar, donc tout ça, c'est très bien fait et tout le monde s'y retrouve. Je vous mets une petite photo de cette grappe de fleurs dans la chatroom. Je vous mets aussi une photo d'un zoom de cette fleur pour que vous voyez bien l'étendard en forme de coupole, comme ça, qui réfléchit le son. Alors, il y a aussi cette adaptation chez des cactus. Certaines fleurs de cactus sont pollinisées par les chauves-souris et elles sont entourées d'une couche duveteuse. Alors, les scientifiques pensent que ça permet l'amplification de la réflexion du son depuis la fleur tout en atténuant le bruit de fond du tronc ou de la tige. Je vous mets une photo d'un des cactus qui a cette adaptation. Il s'appelle Esposta frutescens. Et donc, c'est un cactus tout à fait standard qui se couvre d'un duvet blanc, comme ça. Mais juste autour de ses fleurs, il va faire une grosse couche de duvet. Alors, pour la petite histoire, ce cactus s'appelle Old Man Cactus, parce qu'il pousse assez lentement et qu'il a du duvet blanc. Mais c'est vraiment assez impressionnant à voir, parce que tout autour de la fleur, il y a comme un amortissage pour le son, pour que la chauve-souris voit acoustiquement la fleur ressortir du cactus, quoi. C'est assez impressionnant. Dans un autre registre, il y a une autre espèce aussi qui s'appelle Marchea noranta. Celle-ci, elle est de la famille des Solanaceae, donc comme les tomates. Et elles ont des fleurs en forme d'énormes cloches qui renvoient aussi des échos assez longs avec des caractéristiques complexes qui permettent du coup aux chauves-souris de bien trouver l'entrée de la fleur. Alors, tout ça, c'est autant de stratégies qui sont absolument incroyables. Et pourtant, on parle assez peu de sons associés aux plantes. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que longtemps, les plantes manquaient d'organes évidents pour émettre des sons, ou pour les capter, ou les interpréter. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas évidents comme une bouche ou une oreille qu'ils n'existent pas. D'ailleurs, on sait désormais que les activités métaboliques ou physiologiques des plantes, ça produit des ultrasons de haute et de basse fréquence, entre 10 et 300 kHz. Et la croissance, les microbules dans les vaisseaux conducteurs, la respiration, tout ça pourrait produire des sons qui pourraient être informatifs pour d'autres plantes ou d'autres organismes. Par exemple, pour repousser des herbivores pendant une sécheresse ou d'autres choses. Alors, il y a des chercheurs qui font des hypothèses, il y en a plein. Et c'est dans ces moments-là qu'on doit résister à une tendance spontanée à faire du finalisme et à vouloir à tout prix que le son produit par une plante serve à quelque chose. C'est possible, mais pour l'instant, il n'existe aucune preuve pour affirmer que ces sons servent dans la biologie de la plante. Alors, ce qui est sûr, c'est que les plantes réagissent quand même au son. Un son, ça peut provoquer un changement dans l'expression des gènes, ça peut induire une production d'hormones, ça peut induire un changement de croissance ou de vitesse de germination, sans pour autant qu'on comprenne bien comment et pourquoi ça fonctionne. Du coup, pour résumer, là, on a deux types de communication qui peuvent s'établir via le son entre les plantes et les animaux. Une communication passive qui implique juste de l'émission et de l'amplification et de la réception de signal entre deux espèces, la chauve-souris et la plante. Et une communication active qui impliquerait soit qu'un animal émette un son qui ferait réagir la plante, soit qu'une plante émette un son qui ferait réagir un animal ou voire une autre plante. C'est d'ailleurs une hypothèse qui est défendue par certains scientifiques chefs de file de la bioacoustique, comme Monica Gagliano, qui publie des résultats d'expérience suggérant qu'il y a une communication acoustique entre des plantules en germination et qui est maintenant invitée par tout un tas d'organisateurs de conférences et de forums pour parler de ce domaine un peu mystérieux qu'est la bioacoustique. Alors, je ne veux pas trop m'étendre sur ce sujet dans ce dossier parce que c'est à peu près aussi controversé en ce moment que Galilée et le géocentrisme, si je dois prendre une comparaison d'un autre domaine, mais on estime qu'il y a 250 genres de plantes néotropicales qui sont pollinisées par les chauves-souris pour l'instant, donc on n'a vraiment pas fini de découvrir de nouvelles espèces et de nouvelles stratégies mutualistes à base de son, et à mon avis, c'est quand même un domaine qui, même si maintenant il est controversé, révélera des surprises relativement intéressantes dans le futur. Voilà. Alors, Nive demande si un son peut provoquer une production d'hormones. Est-ce que c'est vrai chez les humains ? Je n'en ai aucune idée, mais j'imagine que si tu entends une musique agréable ou une musique qui te stresse, ça doit pouvoir induire une libération d'hormones de plaisir ou de stress. Je crois que Barry White, ça marche à tous les coups. Voilà. Donc, je vous ai fait un petit tour là de qu'est-ce qui se passait chez les plantes vis-à-vis de cette bioacoustique et comment est-ce qu'elles tirent parti de cette écolocation pour se faire repérer par leurs pollinisateurs. Et c'est un domaine qui est vraiment super passionnant. Et alors, juste pour revenir un peu sur le thème de ce dossier, l'écolocation, c'est un auditeur, Louis, qui nous avait contacté sur Facebook il y a quelques mois et qui nous demandait de faire un dossier sur ce thème-là. Je vais vous en reparler, mais voilà. Je te laisse la main, Alexa. Ouais, alors je reprends la main juste pour un petit peu, puisque en fait, effectivement, on a pensé à faire ça parce que suite à ce qu'avait suggéré un auditeur, et ça fait une belle transition avec ce qu'on a dit notamment avant aussi sur l'inné, l'acquis et ce genre de choses. On a vu qu'en fait, on avait que l'écolocation, c'était finalement un continuum. On a des systèmes très sophistiqués. Avec des adaptations hyper sophistiquées, mais on a aussi des systèmes beaucoup plus simples, avec des adaptations, pas forcément nécessairement d'adaptations d'ailleurs, il n'y en a pas uniquement des ultrasons. Il suffit finalement d'avoir du son, une cochlée, et voilà, a priori, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire nous-mêmes ? Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut apprendre l'écolocation ? Et si oui, comment est-ce qu'on pourrait apprendre de l'écolocation ? Et en fait, là, je vais de nouveau laisser la parole à Eléa, parce que cet auditeur qui nous a contactés, en fait, il est capable de faire de l'écolocation. Voilà, donc on avait eu un entretien Skype avec Louis, on l'a recontacté, il n'a pas pu venir ce soir, mais on a discuté ensemble et lui disait qu'il s'entraînait à faire de l'écolocation, et je découvrais l'écolocation humaine pour la première fois avec son message, et donc c'est assez impressionnant, c'est-à-dire qu'il fait des clics pour marcher dans une pièce, et d'ailleurs il y a d'autres non-voyants et malvoyants qui sont capables de faire ça. Juste en faisant des clics, ils sont capables d'estimer le volume d'une pièce, s'il y a un obstacle devant. Et donc, voilà, on a un peu discuté de ça, c'est vraiment hyper impressionnant. Et il y a même des gens qui ont poussé la compétence assez loin pour pouvoir faire du VTT dans la rue. Alors, il y a notamment une vidéo qui est très impressionnante d'un, je ne sais plus s'il est anglais ou américain, ou australien, Daniel Kish il s'appelle, mais il utilise des clics et il se balade en VTT et il ne rentre dans aucun obstacle. Voilà, donc je vous mets le lien dans la chatroom, vous pourrez regarder la vidéo, et c'est vachement impressionnant. Du coup, ça pose la question quand même, comment est-ce qu'un humain fait pour apprendre l'écolocation ? Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau et qu'est-ce qui permet de faire ça et d'acquérir cette compétence ? Alors pour ça, en fait, on a des données là-dessus, puisque ce qui fascine justement les gens, c'est de savoir, parce que comme Eléa l'a dit, les gens peuvent estimer le volume d'une pièce, mais ça fait un peu bizarre de parler d'expérience quand on a des êtres humains, mais des gens non-voyants ou malvoyants se sont prêtés à des expériences. Des gens leur ont mis dans la pièce des différents obstacles, par exemple, en les changeant de manière régulière, et ils étaient tout à fait capables de s'en rendre compte, etc. Avec notamment une différence entre différents sujets, entre des personnes qui étaient malvoyantes ou non-voyantes depuis l'enfance, ou quand malheureusement c'était arrivé plus tard dans leur vie. Donc, il semblait qu'on avait une différence à la fois d'apprentissage entre les gens qui étaient non-voyants ou malvoyants depuis la naissance ou depuis l'enfance ou plus tard dans la vie ou non, et que ces gens étaient capables d'apprendre de l'écholocation avec un cerveau, avec les mêmes organes que n'importe qui, quoi. Ce qui laisserait suggérer que contrairement aux chauves-souris où l'écholocation est innée, chez l'homme, on pourrait l'apprendre. Et que c'est quelque chose que finalement n'importe qui est capable de faire. Alors, beaucoup de personnes non-voyantes ont fait partie d'études pour étudier ça. Et notamment, moi j'avais invité, quand j'ai fait un cours là-dessus il y a 2-3 ans aux États-Unis, on avait invité quelqu'un qui en faisait un peu... au Canada et qui à Vancouver et qui donc justement avait participé à plein d'études parce que lui ça le fascinait de savoir pourquoi il arrivait à faire de l'écolocation. Et ce qui se passe, c'est que il nous avait raconté qu'il avait eu des électrodes, donc ils ont mis des électrodes et donc sur la tête de ces personnes pour essayer de voir ce qui se passe dans le cerveau lorsque une personne malvoyante fait de l'écholocation et fait appel à l'écholocation. Pour essayer de voir si on a les mêmes zones du cerveau qui sont activées que lorsqu'on fait de l'audition ou d'autres zones. Et en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que les zones du cerveau qui sont activées lors de l'écholocation humaine, ce sont souvent les aires de la vision. Et ça, c'est hyper intéressant pour différents aspects. D'abord, c'est intéressant parce que ça permet de voir que finalement, même si, a priori, quelqu'un qui est non-voyant n'utilise plus l'aire cérébrale de la vision, en fait, cette aire peut être réallouée et réutilisée pour autre chose. Et ici, pour se localiser dans l'espace à l'aide du son. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et ensuite, ça montre aussi finalement que le cerveau, c'est pas aussi figé qu'on pense que ça peut être, et qu'on peut avoir une certaine plasticité cérébrale, on peut avoir des zones qui peuvent être réallouées quand on en a besoin. Ces études ont aussi montré que finalement, on n'avait pas nécessairement de grandes différences pour ça entre les gens qui apprenaient à faire de l'écholocation très jeune ou plus tard, mais qu'on avait quand même des zones en plus qui pouvaient s'activer chez les gens qui apprenaient à faire de l'écholocation très jeune. Donc, il y a quand même un facteur âge qui semble jouer. Ce qui pourrait être aussi assez logique, les gens avaient fait cette hypothèse assez tôt, se disant que le cerveau d'un enfant est un peu plus plastique que celui d'un adulte. Mais là aussi, c'est à prendre évidemment avec des grosses pincettes, ne serait-ce que parce que le nombre de personnes participant à ces études est faible, mais aussi qu'on ne comprend pas tout, quoi. On est encore au début de toutes ces études-là. Des études encore plus récentes, et je trouve que ça, c'est super intéressant, ça avait vraiment... la personne qui était venue dans notre cours en parler, nous avait raconté qu'en fait, des chercheurs montraient que des régions du cerveau qui s'activent aussi pour estimer la taille d'une pièce, par exemple, pour tout ce qui est localisation, c'est la même zone du cerveau que celle qui s'active pour les chauves-souris. Lorsqu'elles... repère la taille d'une grotte, par exemple. Et ça aussi, ça pose plein de questions, en fait. Ça pose même encore plus de questions que ça ne donne de réponses. Ça voudrait dire qu'en fait, on a peut-être dans le cerveau une zone qui est justement responsable de la localisation et qu'on arrive à activer de différentes façons suivant les informations qu'on envoie, quoi. Et peu importe finalement si c'est la vision, ça peut aussi être autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui était assez peu compris avant ces études-là. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable. Et y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ces questions. Si je me souviens bien, il me semble que notre auditeur Louis, qui était venu en parler sur Facebook aussi, nous avait parlé d'autres choses qui n'étaient pas nécessairement liées à l'écholocation, mais à l'audition d'une manière générale, qu'il arrivait à faire, notamment écouter les podcasts en... Je ne sais plus combien c'était, Eléa, en x10, il me semble. Ouais, c'est entre x5 et x10, mais il est capable d'accélérer à une vitesse qui n'est plus du tout intelligible par le commun des mortels et de quand même comprendre ce qui est lu, quoi. Donc ça, c'est très pratique pour écouter des podcasts, puisque les podcasts passent d'une heure à 5 minutes 30. Voilà. Non, mais c'est fascinant. Et finalement, si on compare aussi à l'écholocation et à certains animaux qui ont un peu une écholocation, qui sont capables de de résolve, de discriminer des sons qui sont beaucoup plus proches que d'autres espèces. Finalement, ça nous laisse penser aussi qu'on peut acquérir ça, réussir à discriminer des mots de façon, avec un phrasé beaucoup plus rapide quand on s'entraîne. Et un autre truc qui m'a sauté à la figure en préparant le dossier, c'est que en fait, si on est capable de faire de l'écolocation, d'utiliser des sonars comme des animaux, etc., j'imaginais déjà le nombre d'applications que ça impliquait. Et quand on en a discuté avec Alexa en préparant le dossier, eh bien, déjà, j'ai découvert sa passion pour les crashs d'avion. Donc, je sais pas si tu peux raconter l'anecdote du crash d'avion. Alors oui, en fait, l'anecdote en question, c'est que en fait, évidemment, lorsqu'on a un crash d'avion dans la mer, par exemple, une des choses qu'on veut faire, c'est retrouver l'épave et notamment les boîtes noires pour comprendre ce qui s'est passé. Et ces épaves sont souvent retrouvées grâce à des sonars, c'est-à-dire un bateau qui va envoyer un son, qui va être réfléchi sur le son de l'océan et revenir, et qui va permettre d'identifier un objet sous l'eau. C'est ce genre de... Voilà, merci Joanne. C'est ce genre de choses qui a permis de retrouver notamment, après une série de campagnes, l'épave du Rio Paris, la F447, qui s'était écrasée en 2009. Et plus récemment... ce qui a permis d'avoir des observations assez incroyables sur le fond des océans, c'est pas la F447, c'est cet avion qui a disparu en 2014, donc le MH370 de la Malaisie Aérienne, qui a disparu sans laisser de traces et qu'on n'a toujours pas retrouvé d'ailleurs. Mais du coup, pour essayer de le retrouver, il y a eu des campagnes pendant des années et des années de bateaux qui ont sondé le fond des océans. Et en fait, peut-être qu'on fera un épisode là-dessus dans le futur, pas sur les crashs d'avions, mais sur le fond des océans. Parce que le fond des océans, on connaît assez peu de choses dessus, en fait, et notamment, on a énormément d'endroits qu'on ne connaît pas, tout simplement, parce qu'on n'a jamais eu le temps de faire une carte précise de la topographie, parce qu'il faudrait des bateaux qui sillonnent la mer, tous les océans, avec des sonars pour avoir des choses précises. Mais sur toutes les zones qui ont été explorées, et bon, ces zones sont colossales, pour retrouver le MH370, toutes ces zones ont en fait permis l'augmentation de la résolution du fond des océans de façon absolument incroyable. Et d'ailleurs, un site a été créé pour les scientifiques et a été mis à la disposition de la communauté scientifique pour que les gens puissent quand même utiliser ces données qui ont été produites et qui, n'ont malheureusement rien donné pour retrouver l'épave. Et on espère évidemment que ça arrivera un jour pour toutes les gens qui étaient victimes de ces catastrophes. Mais grâce au sonar, en fait, les scientifiques ont pu avoir accès à des données sur le fond des océans qu'on n'aurait jamais eu autrement sans ces données. Ouais, et en creusant encore un peu, j'ai trouvé d'autres applications intéressantes du sonar et de l'écolocation, et notamment un brevet auquel je vous avoue que j'ai pas tout compris, mais qui décrit en gros un mécanisme pour implémenter de l'écolocation dans des environnements virtuels. En gros, si vous êtes malvoyant, plutôt que d'avoir un casque de réalité virtuelle dans lequel vous voyez des images, vous pourriez entendre dans votre casque des clics pour juger de votre progression et voir les obstacles. Alors, j'ai du mal à me représenter ce que ça peut donner, hein, mais ce brevet parle de ça. Inversement, on pourrait très bien imaginer qu'un logiciel de réalité virtuelle pourrait utiliser une forme de sonar pour justement localiser autour géographiquement les objets de la pièce, et les implémenter du coup en temps réel dans un environnement numérique un jour, ce sera peut-être possible. Certaines personnes travaillent aussi sur le fait d'implémenter des informations dans une photo grâce à l'écolocation, en montrant par exemple que l'écho contient des données sur la longueur de la pièce, une profondeur, la proximité des objets. Donc en somme, si vous couplez de l'analyse de photos en 2D à des données d'écho, ça vous permettrait de reconstituer numériquement une pièce en 3D, ce qui peut également être utile dans plein de domaines, j'imagine. J'ai aussi trouvé des petites devices, donc certains ont imaginé sur le principe de l'écolocation des petits appareils portatifs pour les malvoyants à mettre dans la poche, qui sont basés sur l'émission d'un ultrason pour détecter les obstacles. Donc si une personne malvoyante s'approche d'un obstacle, celui-ci sonne pour le prévenir. Alors, il y a déjà les cannes, ça marche pas pareil, mais j'imagine que ça peut trouver son application. Voilà, à terme, on peut espérer trouver des algorithmes qui soient de plus en plus élaborés, et peut-être qu'un jour, qui sait, on aura des prototypes de machines qui rendront n'importe qui plus performant que Daredevil, sans même voir d'image, j'en sais rien. Voilà. Donc, mon petit tour de littérature sur les innovations. Pareil, je vous mettrai des liens pour que vous puissiez aller plus loin. Et je suis sûre que vous avez plus de compétences en informatique et en programmation pour comprendre tout ce qui se fait dans le domaine. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on passe au quiz du moment maintenant, qui a été proposé par un de nos auditeurs. La vitamine C empêche de dormir, info ou intox ? Et Léa et Alexa, est-ce que vous avez préparé une quote ? Oui. Non, mais ma quote, elle va vachement avec ce que tu as raconté, donc c'est cool. c'est une quote de Baudelaire, en fait. Il me semble que tu avais fait ça, Joanne, il n'y a pas longtemps. Du poème Correspondance, qui est « Les parfums, les couleurs et les sons se répondent ». Et je trouve que ça va bien avec l'écolocation, en fait, puisque on a l'idée des sons qui se répondent, de l'écolocation, mais aussi si on pense à l'évolution des fleurs et de comment les chauves-souris et d'autres animaux cherchent leurs fleurs. Les chauves-souris, elles utilisent leur nez, le parfum de la fleur, elles utilisent les sons et la vue aussi pour trouver tout ça. Donc j'ai trouvé que c'était assez approprié. Je trouve que nos citations sont de plus en plus contemplatives. Je ne sais pas si c'est le confinement qui fait ça, mais... Merci beaucoup. Et du coup, c'est la fin de cette émission. S'il vous plaît, n'essayez pas de conduire les yeux bandés avec de l'écolocation. Testez d'abord entre votre lit et les toilettes. N'ayez pas de relations adultères avec des dieux grecs. Prenez bien soin de vous en ces moments difficiles et que servir la science soit votre joie.